Le 29 juin, l'Association générale des Coréens en Chine a adressé une lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. La lettre indique « Nous saluons significativement le premier anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le respecté maréchal chargé du sort de la patrie, de la révolution et de la nation continue la marche forcée pour l'application des recommandations des grands leaders et l'âge d'or de l'édification d'une puissance socialiste. Grâce à vous, notre patrie socialiste manifeste son prestige de forteresse imprenable où s'épanouit le bonheur du peuple, de puissance politico-idéologique et de l'unité monolithique sans pareil, de détenteur des armes nucléaires et de puissance de fusée qu'aucun ennemi n'ose toucher et défend la dignité et le sort de la nation, la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde. » L'Association générale et tous les Coréens en Chine feront tout comme le peuple de la patrie en marche générale vers la conférence des pionniers de Manlima, suivant fidèlement la direction de la révolution de Sengun du maréchal. Nous souhaitons sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre nation et père affectueux des compatriotes en Chine.